foire, je suis comme un bélier place Vendôme. Une bombe en pleine gare est lancée par un train fantôme. Pilon sur pilon, j'ai la mémoire qui me joue des tours. En plus ça parlait de jalousie, attends que je leur mette un trou, frère. Je trouve, je suis resté trop longtemps, j'ai cadre dans l'ombre. Maintenant ombre, et ces cadenas, ce sont tes portes, bête à serrure en plombe. Y'a quoi péter un fusible, hein? Très peu d'MC lucide, tu parles de rue, mais gros tu pompes, t'es pire qu'un fusil, ouais c'est l'usine. Je frappe fort, débite à la vitesse d'un Uzi. 30 Nîmes, je réside, j'hésite encore en train, violence et musique. On refait le monde sous cheese, les cons dédramatisent, hein. Dans ma street, y'a que des rats qui se parfument à la cheese, frère. Je suis déterminé comme personne ici, c'est lyrical. Homicide, des gars égaux à ceux d'un missile, de la réussite, je suis pas le disciple. Et je suis pas le mais d'ici peu, y'aura des cordes, donc MC inerte sur le marche. Je frappe fort, on tente un missile scud, une bombe d'atomes, ils disent que le rap est mort. Miskin, laisse les tirs ce qu'ils veulent. Laisse le calme avant la tempête, rentrez vite s'il pleut. La nuit tombe et le vent sèche, donc ça va péter d'ici peu. Je frappe fort, on tente un missile scud, une bombe d'atomes, ils disent que le rap est mort. Miskin, laisse les tirs ce qu'ils veulent. Laisse le calme avant la tempête, rentrez vite s'il pleut. La nuit tombe et le vent sèche, donc ça va péter d'ici peu. Premier opus, pas de recrue. Je frappe fort, tout le monde recule. Je vais leur enfoncer avec la force d'Hercule, un micro dans le cul. Eh ouais, je pisse sur l'incendie. Tu croyais quoi, ma frère? Je vais leur faire à la Spadjari sans arme, violence, mais plein de haine. Vrai qu'on choisit pas ses cartes, bien sûr que j'aimerais percer, mais bon, je préfère marquer les esprits et creuser l'écart. Moi je crois que j'ai mis les pieds là où je les avais pas trop. Avec 100G tu deviens patron. Eh ouais mais tu deviens paro. Je frappe fort, traîne mes fardeaux et ma gueule d'arabe. Me parle pas de gangsta rap, la moitié de mon 16 d'arrache battle. J'ai dû doubler ma dose de shit, clarifier ma cause. Et petit devine ce qui nous motive dans la zone. La vie d'attirer par le bif comme un vampire envers du hanse. Force de tenter le pire, on a niqué nos vies, c'est évident. Je suis venu bousculer leur délire, loin de leur peur à pas terrible. Bien pire qu'une bactérie, à tes risques et périls. Mon gros c'est 30 fois 1000. Fort, on tente un missile scud, une bombe d'atomes. Ils disent que le rap est mort, Miskin, laisse les dire ce qu'ils veulent. Laisse le calme avant la tempête, rentrez vite s'il pleut. La nuit tombe et le vent sèche, donc ça va péter d'ici peu. Je frappe fort, on tente un missile scud, une bombe d'atomes. Ils disent que le rap est mort, Miskin, laisse les dire ce qu'ils veulent. Laisse le calme avant la tempête, rentrez vite s'il pleut. La nuit tombe et le vent sèche, donc ça va péter d'ici peu.